J'adore quand Nicolas fait antenne. C'est le moment que j'aime bien, où je vais pouvoir reparler de nouveau. Bulle de rêve. C'est surtout ça. Oui, c'est surtout ça. Bulle de rêve, bien évidemment, avec Florentine Grelier. Avec un agenda donc un peu rapide. En fait, je vais dire quelque chose. Sébastien, vous avez une discussion passionnante. Pourquoi on n'écrit pas un livre? Pourquoi il n'y a pas? Parce qu'aux États-Unis, ça s'est fait. Pourquoi l'auteur français avec un grand A, se met pas un peu de côté? Pourquoi on n'écrit pas un livre encyclopédique sur le cinéma d'animation à plein, où chacun parle de ce dont il connaît un peu plus, on va dire? Pourquoi il n'y a pas ça? Plutôt que d'avoir... J'ai des grands respects pour Janet Bartomanazzi, Olivier Code qui font leurs livres, mais où on sait bien qu'il y a c'est trop truffé de choses qui des fois peuvent être, parce que c'est compliqué de tout connaître tout simplement, on est des êtres humains. Pourquoi on fait pas ça? Parce que l'AFCA a eu le projet pendant 10 ans et que voilà, c'est parce qu'il faut qu'il y ait une ou deux personnes qui dirigent. Mais oui, mais les gens en France, il y en a plein qui n'aiment pas être dirigés. Et ben dans ce cas, on les vire. Mais oui, mais... Non, mais... Il faut voir quelqu'un qui fait. Non mais s'il y a personne, c'est vrai, on se rend compte que s'il y a personne qui dit et qui rappelle qu'il faut qu'il y ait tant de lignes, etc., ça ne se fait pas. Mais moi je suis pour et je voulais qu'on fasse un dictionnaire ou je sais pas quoi des auteurs, des réalisateurs français parce que ça manque aussi. Parce que ou même une filmographie du cinéma en France. Non mais il y en a même pas. Pas que français. Jeff Beck, par exemple, a fait aux États-Unis un livre sur l'animation. Alors justement, par rapport à Animation Now, des choses comme ça, c'est un vrai livre sur l'animation illustré, absolument incroyable, qui est quasiment plus édité malheureusement aujourd'hui. Où il y a une vingtaine d'auteurs, un qui va s'occuper plutôt du côté asiatique ou même japonais, un plutôt chinois, un plutôt. Alors là, c'est par pays, on va dire, mais même à tort, je suppose, des États-Unis, il y a ceux qui vont s'occuper plutôt de l'indépendant ou des studios, et de s'occuper finalement, et de se dire, bah tiens, Sébastien Roffa, tu t'y connais bien en cinéma d'animation français de tel moment, voilà. Je sais pas, moi, Stéphanie, elle s'occupe d'autre chose, Olivier Code s'occupe d'autre chose, alors peut-être il y a des stars qu'on pourra pas avoir, mais d'un seul coup, dire à quelqu'un, bah, toi, tu vas t'occuper de ça parce que. Oui, mais il faut avoir un petit budget. Oui, c'est ça, j'allais parler du budget. Voilà. Je pense donc, c'est ça, en fait. Soulevé. Donc, c'est ça le problème. C'est en fait, le problème, c'est d'avoir un éditeur d'abord derrière qui veut. Florentine, ton agenda en 2030. La pause, non, elle l'a fait. En plus, non, mais de toute façon, j'avais prévu de dire que quelques dates parce que c'est bien, j'ai de plus en plus de choses à dire. Je pourrais faire une émission entière d'agenda grâce, pour le coup, à l'AFCA, puisque maintenant, l'AFCA fait aussi un agenda, ce qui m'aide pas mal. Et on arrive à centraliser pas mal de choses. Donc, il y a énormément de choses qui se font partout en France. Donc là, je vais dire les principales. Je vais prendre bulle de rêve, qui est la bulle de rêve, l'agenda. Et pendant 2 heures, on aura des dates. Non, mais bon, sinon, voilà, c'est en ligne après. Parce que Florentine veut prendre ta place. Non, j'aimerais bien. Je n'y tiens pas. Alors d'ailleurs, je vais commencer avec les sorties en salle pour reparler du jardinier qui voulait être roi, dont tu m'avais demandé les réalisateurs la dernière émission, donc qui sort le 15 février. Elle m'en a voulu après de l'avoir demandé, ça, on peut même pas imaginer. Et donc, c'est 2 courts-métrages d'animation tchèque contemporains qui ont été produits en 2010, dont alors il y a l'histoire du chapeau à plumes de jet de Kristina Dufkova et la raison et la chance de David Sukup. Et donc, c'est les premiers films d'animation tchèque tournés en 3D relief. Voilà, j'en avais un peu parlé qu'il y avait des lunettes et je sais pas trop. Et en fait, ça a été tourné en 3D relief et c'est les premiers courts-métrages. En 3D relief. Enfin, en relief. C'est des marionnettes. C'est des marionnettes, on est d'accord. C'est des marionnettes, mais effectivement, c'est le relief. Voilà. 3D relief, c'est le terme générique. Oui, c'est vrai, c'est ce terme. Voilà, avec une esthétique assez burtonienne. Enfin, les marionnettes sont assez belles. Donc, ça sort le 15 février. Bon. Voilà, donc ensuite, je vais enchaîner avec. On va mettre les festivals d'Île-de-France, Ciné Junior et Image par Image qui reviennent. Tous les ans en février. Donc il y a Ciné Junior qui a commencé le 1er jusqu'au 14 février qui se passe dans 16 salles du Val-de-Marne. Et donc on a Image par Image du 10 février au 3 mars. Alors Ciné Junior, tu as dit il y a les filles, il y a 2-3 trucs d'animation dans un film tchèque. Je vais en parler. Ah d'accord, pardon. Donc, je redonne un peu les dates. Donc Image par Image, c'est du 10 février au 3 mars dans 28 cinémas et lieux culturels du Val-d'Oise. Et de qui est la fille d'Image par Image? Donc voilà, de Sophie Rose, mais yes. Peut-être plus en parler un petit peu tout à l'heure. Trop fort. Tout à fait. Et donc oui, pour Ciné Junior, donc qui est organisé par Cinéma Public, donc c'est de la prise de vue réelle et de l'anime, c'est pour les enfants de 3 à 15 ans, mais bien sûr, il faut toujours mettre des cibles, mais il y a de tout, même pour nous. Et donc on a le cinéma italien à l'honneur avec la projection de grands auteurs de l'animation italienne, donc il y a Enzo Dallo, Bruno Bozzetto, Emmanuel Luzzatti et Giulio Giannini, il me semble. Tout à fait. Voilà, et donc avec les longs métrages, les courts métrages, il y a un programme assez complet. Et donc en effet, dans les films longs en compétition, il y a Cookie du Tchèque, Jan Schverak, je ne sais pas trop comment le... Jan Schverak, je pense. Jan Schverak, voilà. Ça fait longtemps qu'on en parle, ou même qu'on a vu des images sur Internet, et on aura peu d'occasion de le voir, je pense. Donc, Oui, parce que voilà. les filles n'ont pas l'air forcément extraordinaires coréens, visiblement. Oui, j'en ai pas reparlé parce que j'étais sortir, voir. Voilà, ouais. Mais celui-là, c'est dommage. Celui-ci, apparemment, ne va pas sortir. Donc, voilà un peu pour les points à Ciné Junior. Et donc, à image par image, comme d'habitude, il y a énormément de projections, goûter, rencontres, ateliers. Bon, je vais en faire un peu des focus sur l'ouverture le samedi 11 février, donc, qui est au Centre des Arts d'Anguin, où il y a une carte blanche à la société de production autour de minuit, qui est précédée par la projection de Logjam d'Alexei Alexiev. Je sais pas comment le prononcer aussi. Alexei Alexeyev. Alexeyev aussi, si ça d'accord. Nous trouble, parce qu'à chaque c'est fois. C'est ça, ça nous trouble. Donc d'Alexeyev Alexeyev. Ceux qui savent pas qu'Alexeyev est mort des fois. Non, non, je dirais pas qui. Oh oui, je vais aller voir là, trop le Alexeyev là, ses nouveaux films. Donc voilà, non. c'est la soirée est en deux parties, avec autour de minuit en deuxième partie, et surtout donc le gros point. Pour moi, en tout cas, qui est le point fort. Le coup de cœur, Florentine. L'image par image, c'est la journée professionnelle du 16 février, donc qui a lieu de 9h à 16h, qui est sur le documentaire animé, qui fait un peu suite au week-end de l'année dernière au Forum des Images, qui est modéré, donc journée modérée par Alexis Huneau, avec Isabelle Vanini et Antoine Lopez, où justement, ça parlera de fond, pour le coup, ça parlera de documentaire animé, des conférences, des projections, et donc avec la présence de Jonas Odell, réalisateur suédois, donc moi j'aime beaucoup, et qui sera vous, donc vous en faites très bien dans la voix. Elle sera en France, à Paris voilà, aussi. C'est le bonhomme. Ah, c'est voilà, j'aime beaucoup ses films. Hein. Voilà. Et c'est ça pour il n'avait pas pu venir l'année dernière, donc là il vient cette année. Jamais comme, ouais, comme la première fois, Never Like the First Time, qui raconte des premières fois sexuelles. Voilà. Un film qui nous avait tous marqué, Annecy, on en avait tous parlé. Donc il vient le jeudi à la journée pro, et le vendredi 17 février, donc au sud des Ursulines, si je peux me permettre, excuse-moi, je t'embête deux secondes, si je peux me permettre juste cette journée du jeudi, pour ceux qui veulent aussi, Jonas Odell, c'est bien, mais comme il revient le vendredi, c'est vrai que le matin, c'est intéressant, puisque Antoine Lopez du Festival de Clermont-Ferrand va venir pour parler le matin de ce qu'il avait déjà fait, et il va parler un petit peu de ce qui est pour lui documentaire animé. Je vais être là aussi pour le titiller un petit peu, parce que j'ai maintenant réfléchi et je me pose d'autres questions par rapport à ça, donc voilà. Et Isabelle Vanini, ça va être passionnant, parce que c'est quelqu'un qui parle pas souvent, qui a un petit peu les personnes qui sont derrière, qui fait un boulot énorme depuis des années au Forum des Images, programmatrice au Forum des Images, et donc qui nous donne la chance de faire l'émission le mois prochain sur ce grand monsieur qui est Yorin Einstein, ouais. Puisqu'il viendra au Forum des Images, et c'est encore elle qui le fait venir. Voilà, donc c'est intéressant de l'entendre parler, voir comment elle travaille sur son boulot de programmation, et on verra quelques films. Donc, voilà. Et Jonas Odell, l'après-midi, avec... c'est un personnage assez intéressant, même si je suis moins enthousiaste que toi. il va montrer quelques courts-métrages le jeudi, et donc, le vendredi, c'est... en partenariat avec le Festival Image par Image, et donc c'est l'AFCA qui profite de sa venue pour faire une séance spéciale aux Cieux des Ursulines à 20h30 autour de lui, de ses courts-métrages et aussi de ses clips, ses films de commande. Voilà, donc quelque chose à ne pas rater, même si tous ces films ne sont pas égaux. Moi, effectivement, il y en a certains que j'aime plus que d'autres, mais là, on aura vraiment une vue d'ensemble et on l'aura lui, donc avec une traductrice, avec Mikael Bach à la traduction. Voilà. Pourquoi elle parle suédois? Ah bah, elle est à la traduction. Donc il a parlé anglais, il a fait les clips. Je pense qu'il parlera anglais, bien sûr. C'est un type intéressant pour ça aussi, il a fait des clips, il a fait des pubs, il a fait pas mal de choses, sa société de production. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un, comme aujourd'hui, qui enchaîne en fait un peu entre tout. Donc voilà, même si en effet je... Donc le vendredi, c'est le vendredi 17 février. Donc il y a un deuxième événement le vendredi 17 février. C'est les vendredis de Croquanime qui reviennent. Donc toujours aux 2 rue Boyer, dans le 20e. Et là, cette fois-ci, ce sera Juliette Loubière. Et c'est ma fête, pardon. Juliette Loubière. Le 17 février, c'est aussi la Sainte-Alexis. Oui, mais... Donc, voilà, c'est juste pour donner autre chose dans l'agenda. Le 17 février, vous avez Jonas Odell, Juliette Loubière et la fête d'Alexis. Ah, mais oui, je sais, non, c'est... Des donc, fois, Juliette Loubière qu'on a reçue l'année dernière, qui présentera le making-of de Citrouille et Vieille Dentelle. Donc, le long cheminement qu'elle a eu pour faire son film. Voilà, en volume, elle parlera du son, elle montrera les marionnettes. Voilà, c'est entrée libre. Et... venez. Alors bon, moi, j'avoue que là, j'irai plutôt voir Jonas Odell cette fois-ci. En plus, on a vu pour ceux qui étaient à Brieux, elle a déjà fait. Voilà, son elle l'a fait plusieurs fois. Mais... voilà, au festival. Donc voilà. Mais pour ceux qui préfèrent voir, en savoir un peu plus, parce que bon, c'est intéressant, Jonas Odell, mais il va pas là avec. Enfin, vous verrez comment on se fait un film. C'est-à-dire pour quelqu'un qui connaisse un peu moins, on va dire, vous allez voir, va montrer comment sont fait les marionnettes, comment travailler avec le Lucien. C'est quelqu'un très didactique, donc. Et justement, les vendredis de Croquanime, c'est pour favoriser la rencontre entre les pros, les étudiants, les amateurs. Donc. c'est des publics un peu différents. Donc ensuite, on va reparler de Planète Manga. Donc on avait déjà évoqué un peu avec Ilan le mois dernier. Ça commence le 11 février jusqu'au 27 mai. Donc c'est 3 mois très très très chargés. J'ai commencé à parcourir le PDF et il y en a dans tous les coins, des projections, des ateliers. Projections, il y a des longs, des courts-métrages, que ce soit des classiques, des raretés, du contemporain, du ancien. Vous êtes mal barré dans les livres. C'est dingue. Elle a dit le PDF. Mais c'est vrai. On m'a envoyé le programme. J'ai lu le programme. On a le droit, c'est dans un ordinateur. J'ai pas dit le contraire. Et voilà. C'est une jeune génération. Ça commence par un hommage à Osamu Tezuka, donc avec justement des œuvres de lui, que ce soit ses courts-métrages plus expérimentaux ou ses séries comme Astro. Donc il y a un peu de tout le 11 et 12 février. Et ensuite, on a donc le samedi 18 février avec plusieurs conférences et donc avec la part 3 de Ilan. Si vous voulez avoir Ilan, la troisième partie. La part 3. Non, parce que ça, c'est on a eu Ilan le retour. Maintenant, c'est si vous voulez voir les films, parce que là, il y aura les projections de films de justement Dofuji, Murata, Ichikawa. J'ai pas retenu tous les réalisateurs, mais ils vont être projetés et vous aurez Ilan qui va reparler de. Donc c'est le samedi 18 février. Toute la journée, il y aura des conférences, des projections de films. Et voilà, si vous voulez le voir, vraiment, après l'avoir entendu deux fois de suite. Même si c'est bien de le voir, voir les films. Parce voir que les films, tout à fait, parce que là, ils vont être projetés, Internet. Et là, il faut absolument y aller. Samedi 18 février. C'est ça. Et bon, alors, sinon, jusqu'à notre prochaine émission, il y a des Satoshi Kon, Perfect Blue, il y a Horus de Takahata, il y a Memories, il y a énormément de longs métrages et c'est très, très complet. On va avec le manga, mais on ne dira rien. On en a déjà parlé. J'ai déjà parlé la semaine dernière. Donc, c'est bien, il y a énormément de choses qui sont faites. J'étais assez étonnée de voir ce programme si chargé. On en reparlera sûrement le mois prochain. En effet, qu'il passe les Oshima et qu'il passe pas mal de choses très rares dont on parlait, Ilan aussi. Voilà, donc dans un autre registre, à deux pas donc de Beaubourg, au Forum des Images, du 18 au 26 février, on a le festival Tout Petit Cinéma. Donc voilà, normalement, c'est de 18 mois à 4 ans, mais bon, encore une fois, je pense que c'est ouvert à tous. J'espère y aller parce que pour le coup, ce qui est intéressant dans ce festival, c'est tout ce qui est création de ciné-concert et ciné-dance. Donc il y a des créations spéciales pour le festival. Donc on a par exemple une création autour du petit monde de Léo Lioni, qui est le papa en fait de Petit Bleu et Petit Jaune, donc un illustrateur, et il y a eu des choses qui ont été faites autour de ces livres d'illustration. Donc il y a une adaptation qui a été faite, une création spéciale pour un ciné-concert. Et on a aussi un ciné-concert spécial autour de Ladislav Tarevitch, donc avec des courts-métrages d'ailleurs que je connais pas forcément, Carousel Boréal, Né au vent et Gazouille Petit Oiseau, donc ils sont rassemblés et qui sont mis en ciné-concert. Et on a un ciné-dance autour de Il était une chaise de Norman McLaren, donc avec une chorégraphe et deux danseurs. Deux danseurs qui vont danser avec les films pendant... Qui vont danser avec le film, waouh. Il y a cinq courts-métrages différents et qui vont danser. Enfin, je ne sais pas trop comment ça se présente, mais... Ça, il faut y aller, je pense, parce que danser avec un film... Ça a l'air assez intéressant et c'est aussi une création pour le festival. Voilà, donc un dernier petit mot sur l'hybride, puisque donc... l'hybride qui a un lieu culturel à Lille est en danger. Alors... ils doivent faire plusieurs travaux pour mise aux normes, problèmes d'insonorisation, etc., dans un délai assez court. Et donc, ils n'ont pas le budget et ils essayent de trouver des moyens. Donc, il faut ou signer la pétition ou donner 1 ou 2 euros ou essayer de montrer qu'en tout cas, il y a quelque chose qui se passe autour de ce lieu qui fait énormément de choses pour tout ce qui est court-métrage indépendant et autres, qui projettent de l'animation tout le temps. Par exemple, le mois prochain, ils projettent des courts-métrages d'animation allemand. Ils font un ciné-soupe avec Cédric Villain. j'ai vu ça. Enfin, ils font énormément de choses. Et donc, la pétition circule pas mal sur Internet. Cédric Villain, c'est fou d'anime, pour ceux qui... Oui, pardon, qu'on a aussi reçu l'année dernière. Il faut absolument se battre. On avait parlé plein la bobine. Enfin, bon, ça commence à bien faire. Et c'est vrai qu'on parle des livres et de ce sont absolument fondamental d'avoir ces livres. Mais les lieux où on passe du cinéma à l'animation, il y en a quasiment pas. Le Forum des Images s'arrête quasiment après Nordenstein parce qu'il n'y a pas suffisamment de tête d'affiche pour faire venir des gens. Enfin, c'est un truc délirant, les étudiants n'y vont pas. Enfin, j'ai l'impression des fois qu'ils scient aussi. Alors, le livre, c'est une chose, mais qu'ils scient la branche quelque part sur laquelle ils sont, où on aura que des séries de merde dans quelques années, parce que vraiment, c'est ce qui va se passer. Personne ne vient au court-métrage, les salles sont souvent à moitié vides, et en fait, on ne se rend pas compte, les Ursulines, c'est super compliqué, super dur, il y a souvent peu de monde, sauf si c'est quelqu'un qui est connu. Voilà, Émilie Mercier, oui, c'était complet, ou des choses comme ça, mais dès que c'est pas connu, et c'est assez terrible parce que c'est vrai que enfin, ça sert à rien. Je veux dire, c'est super bien. Enfin, c'est bon, important de théoriser, c'est important de faire des émissions comme là. Enfin, voilà, je trouve ça bien. Mais c'est vrai que de pas montrer, de montrer des films dans des bonnes conditions, pas sur Internet, et de, voilà, parce qu'après, on a que des trucs de 3 minutes, un peu fun, un peu flashy, comme on en voit, et qui passent sur Facebook dans 30 secondes. Ah, oh, tiens, j'ai regardé. Ah oui, t'as vu ça, oui. Et ça devient inintéressant, j'ai le type. Non, mais parce qu'il y en a qui ont un talent monstrueux et on leur fait faire ça parce que ça va plus vite, il faut que ça soit un petit peu. Et c'est vraiment dommage, et Célébrité de ferme, alors que là, il crée tout un cycle avec Raoul Servet qui fait venir des gens. Enfin, voilà, c'est juste pas possible. C'est-à-dire que c'est tout le combat pour les lieux culturels. Et c'est vrai que nous, là, on parle de notre petit monde de l'animation encore, mais c'est vrai que c'est délirant, quoi. Je veux dire, tu dis ça, mais c'est des festivals. Oui. Il faut arriver au moment du festival. Il faut les festivals ou les salles de cinéma aujourd'hui, c'est à 15h le mercredi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pas bosser. Il faut avoir 8 ans et demi toujours. Bon, on n'a pas tous 8 ans et demi. On peut aimer l'animation. Et c'est assez délirant. Voilà, et des choses avancent, hein. Cartoon Movie, disent, il y a 22% maintenant de longs métrages qui sont faits pour les adultes en projet, mais seulement 22%. Enfin, tout ça, ça doit avancer. On avance et on a l'impression que c'est pour ça que j'étais un peu, on a un petit peu dépassé. Tant pis, on sera pas de musique, mais on a un peu dépassé tout à l'heure, parce que je trouve ça un petit peu déprimant de se dire que tout le monde est intéressé par l'animation. On sent une envie d'animation de tout le monde. Et on sent qu'il n'y a, enfin, a pas grand-chose, il n'y a pas quelque chose qui se passe derrière pour mieux l'expliquer, pour mieux le montrer, pour mieux... On a l'impression, voilà, on est content. L'animation, maintenant, on en parle plus, mais... Mais vous demandez à plein de professeurs qui disent effectivement que leurs étudiants ne vont pas voir les films. Et je ne sais pas ce qu'on peut leur dire, je ne sais pas. Moi c'est vrai que je le dis souvent, enfin, l'agenda, je le fais, je le dis à mes étudiants, à chaque fois, j'essaye de les... Il y en a quelques-uns qui viennent, mais c'est vrai que sinon, tout passe par Internet, effectivement. Tout passe par Internet. Je vais juste dire un dernier petit mot pour juste t'as parlé d'Émilie Mercier, pour dire que elle aussi sort un livre DVD, donc sur Louis Claveret, voilà, qui est sorti, qui fait 32 pages avec le poème et des illustrations qui reprennent le film. En fait, c'est des films du Nord. D'accord. C'est ça. Ah oui, c'est dans la même collection que Mémoire fossile. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Voilà, que le petit Paolo qui vient de sortir aussi. Et voilà, c'est ça. Et ils essayent de. Voilà, c'est vrai que. Les films du Nord qui a tenté, hein, le coup. C'est vrai que sur Internet, de faire payer même un petit peu, de mettre tous les films, ça n'a pas marché. Enfin bon. Donc bon, de recréer une économie, je ne sais pas comment elle est possible. Mais bon, c'est un petit peu. C'est bon ? C'est bon, c'est fait. Il n'y a pas des choses que tu as oubliées ? Je suis sûr qu'il y a des choses que tu as oubliées. Non, non, mais je. Parce que tu sais que ça allait m'énerver. Là, c'était les principales. Non, c'est bon, j'ai tout fait. C'est bon ? Bravo. Le morceau de 8 minutes ? Non. Oui ou non ? On ne va pas passer le morceau de 8 minutes, je suis désolé. Et en plus, c'est encore Kate Bush. Donc comme le mois dernier, donc la pauvre, à chaque fois, elle revient, mais je peux pas en mettre 4 minutes. Voilà, ça se fait pas. Non, tu vas pas couper un morceau. On peut pas. Le problème, c'est que 8 minutes, ça fait 23. Il y a bien 20 minutes, 43, je faut faire maintenant. Non, on va pas faire de coupure. Désolé, ou je sais pas, tu peux nous faire une petite musique Non, je vais. On va, Sébastien. Je pense qu'on va passer Non, ça va aller. À Stéphanie directement. Ou alors, on peut passer... Ce que j'avais prévu comme générique, on fera pas de générique, qui est le dernier morceau qui fait 3 minutes, qui est la musique de Faces de John Cazavetes. On peut passer ça 3 minutes, comme ça fait quand même une petite respiration. Et puis voilà, s'il y a une de nos deux invités qui part à un moment donné, quand je pose une question, on passera le morceau de 8 minutes, s'il nous reste 8 minutes. Mais sinon, on va faire ça. Donc c'est le dernier morceau en fait, hein, qui fait 3 minutes. Merci Nicolas. Thank you.